Bonjour à toutes et à tous. Parce que je suis venu un peu en retard, sinon je n'aurais pas outrepassé la tradition. Même si c'était à la porte, je l'ai attrapé. Mon grand frère, le pasteur Traoré, qui lui dit qu'il faut partager quelque chose. Mais comme je suis venu en retard, je ne pouvais pas lui faire cela. Vous voyez, parce que je suis venu en retard, ça c'est un. Et puis bon, ce n'est pas correct. Si je l'avais attrapé à la porte, on allait discuter, mais j'allais avoir le dernier mot. Ok, donc cette fois-ci, le crédit, je le laisse avec son crédit. Et la prochaine fois, il va payer. D'accord, c'est le reste parti de l'église. Ok. Donc, je voudrais vraiment dire merci à tout le monde. Hier, Bruce a dit que c'est une double joie. La raison, tous les deux qui étaient concernés sont membres de notre communauté. Bon, moi je vais dire, c'est encore une triple joie. Parce que vous voyez, ils sont tous mes enfants. C'est une longue histoire. Je ne peux pas vous dire beaucoup de choses. Mais quand Paulin est venu à Ouaga, Paulin m'a toujours considéré comme son papa. Et une des choses que les autres aussi ont suivies, Paulin quittait à vélo pour venir repasser mes habits. Et chaque fois, il demandait, « Maman, quel jour vous allez laver les habits de papa ?» Il s'est toujours comporté et je n'ai jamais regardé Paulin autrement. Bon, je n'ai qu'un seul fils, j'ai beaucoup de fils. Donc, je l'ai toujours regardé comme un fils. Bon, donc quand ce sont eux deux, vous voyez quelquefois, bon, je n'ai jamais été gêné, mais j'ai toujours regardé, ça, c'est un modèle. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois que c'est une grande joie pour moi, une triple joie, parce que c'est nous, c'est de notre famille que nous avons encore eu cette union-là. Autre chose, ce matin justement, je disais à Esther, je dis, bon, elle a dit qu'elle est Koyomousso avant qu'elle ne parte. Vous vous rappelez ça tous les jours. Elle est partie. Comme j'ai toujours dit que vous êtes les bonnes de ma maison, une est partie. Ça veut dire que le travail va se répartir sur les autres. Bon, en tant que papa de plusieurs filles, je leur ai toujours dit cela. Ma femme n'aura jamais une bonne. Pour le moment, pas question. C'est vous les bonnes de ma maison. Le jour où vous quittez, c'est fini. Parce que pour moi, une bonne, c'est une personne à part entière. N'est-ce pas? Voilà. C'est nous qui dévalorisons la bonne, mais c'est une personne qui rend des services qu'on doit considérer à sa juste valeur. Donc, je leur ai toujours dit, vous êtes les bonnes de ma maison jusqu'au jour où vous quittez. Elle a quitté ce carnaval-là. Donc, je n'ai pas de problème avec elle. Donc, les autres vont continuer. Et j'ai dit à Rachel est de l'autre côté. C'est Rachel qui faisait beaucoup de choses quand Rachel est partie. C'est elle, quand elle est partie, j'ai dit, ah, essaie, prépare-toi. Donc, bon, on passe le témoin. Donc, je voudrais dire merci et encore demander de la patience à ces gens-là. Parce que ça va être un peu difficile pour moi de rapidement dire Madame Diarra, Madame Diarra. Bon. Ok. Donc même si je dis Roda et puis je n'ajoute pas, que pour elle ne soit pas offusqué. Ça viendra avec le temps. Ok. Ce matin, vraiment, je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et à cause de cela, je voudrais qu'on lise simplement le psaume 100 pour lui dire merci. Parce que en regardant à tous ceux qui se sont joints, tous ceux qui ont accepté de nous soutenir dans ce mariage, de différentes contributions, nous avons vu la main de Dieu. On n'a jamais douté un seul instant et on a dit Dieu peut. Je crois que ceux qui ont fait la première rencontre avec moi en famille, ils se rappellent. La deuxième rencontre, il y avait combien de ma famille? Personne n'était venu ce jour-là. C'est la dernière rencontre où il y a eu quelques-uns et vous ne connaissez pas les raisons. Ils étaient un peu sceptiques pour eux, mais comment est-ce qu'il peut tout garder pour l'Église? Pourtant, ce n'est pas de cette façon que j'ai regardé les choses, n'est-ce pas? Vous me connaissez tous, j'ai une grande partie de la famille qui est musulmane. Il y a des catholiques, nous sommes des protestants. J'ai toujours laissé la place à tout le monde. Mais certains se sentaient un peu comme si on les avait isolés et peut-être ils allaient voir comment ça allait se passer. Mais je crois qu'ils étaient tous convaincus hier et il y a un qui m'a dit « on ne te comprend pas bien, souvent ». Mais quand on regarde la finalité, on ne doit pas te faire des reproches. Si quelqu'un vous dit ça, parce qu'il craignait quelque chose il vous a jugé et vous dit cela, vous dites simplement merci à Dieu. C'est Dieu qui a encore étendu sa main et c'est encore un témoignage pour cette partie qui ne connaît pas Christ, de savoir qu'en Christ, on n'a pas raison de s'inquiéter. Donc, on va lire le psaume 100 pour dire merci à Dieu. Moumounia, français courant, ou bien les gens ont français courant, non? Vous avez donné une Bible français courant, non? Okay. D'accord. Ok, Moumouni a amené français courant. Donc, on va lire à travers Moumouni. Psaume 100. Psaume pour un sacrifice de reconnaissance. Dans le monde entier, faites une ovation au Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. Amen. Disons ensemble amen. Amen. Le Seigneur est bon, son amour demeure de siècle en siècle. C'est la vérité. Et je dis, en tant que chrétiens, nous avons des difficultés. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons souvent regarder sur le long terme. Mais vous ne pouvez pas regarder sur le long terme si vous ne regardez pas sur le court terme. C'est le temps du court terme qui s'ajoute et ça devient long terme, n'est-ce pas? Mais nous voulons regarder toujours sur le long terme. Et en tant que chrétiens, ce qui peut nous encourager, c'est lorsque sur le court terme là, Dieu a fait quelque chose qui nous a réellement réconforté, qui nous a relevé, qui a éloigné nos tempêtes, qui a éloigné nos craintes, que nous puissions marquer cela comme quelque chose d'important dans notre marche avec le Seigneur, on peut se rappeler au moment des difficultés. Nous devons le faire. Mais souvent, en tant que chrétien, bon, quand quelque chose est arrivé, on a dit, merci Seigneur, tu as bien fait, c'est fini. Et puis, allez, c'est fini. Donc, quand une difficulté vient, on oublie facilement ce que Dieu a fait. J'aime souvent certaines personnes qui sont très méticuleuses. Elles notent tout ce qui se passe. Quand j'enseignais à l'école Orodara Kalazo, dans ma manière de voir, je n'avais jamais vu ça, mais les gens avaient ce qu'on appelle un journal quotidien. Chaque jour, ils marquent tous les événements. Et je vous assure, c'est tellement édifiant. Lorsque vous prenez du temps et qu'un jour vous revenez, vous prenez votre journal pour voir ce qui s'est passé. Ça vous rappelle des moments difficiles. Mais ces moments difficiles ont passé et Dieu a encore manifesté sa grâce. Je crois qu'en tant que chrétien, nous ne devons pas manquer d'avoir des journaux. N'est-ce pas? Le journal du chrétien. Vous l'avez, voilà ce que Dieu a fait en cette date-là. Voilà une autre, voilà une autre. Par exemple, mon collègue, Malo Jacques, qui est le directeur de Lagos, il a dit, le 8, je ne peux pas oublier le 8 décembre parce que c'était le jour de mon mariage. Il a dit à Rhoda, celle que j'ai attrapée comme ça, amenée à l'école du dimanche, elle se marie le 8. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me réjouit et il a tout fait pour venir. Parce que les gens n'oublient pas cette date-là. C'est pas vrai? On oublie ça facilement? Non, ça fait partie du journal. Donc, je voudrais vous encourager à ne pas garder les choses de façon plate et à les oublier. Marquez-les quelque part. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes comme nous, quand vous prenez nos anciennes Bibles, dans lesquelles nous avons écrit beaucoup, même si vous proposez une nouvelle Bible, on n'est pas d'accord. N'est-ce pas? Les vieilles Bibles que nous avons depuis longtemps, c'est comme on a des références. Parce que ces référents nous rappellent des événements qui sont passés et où ces paroles, dans, disons ces versets, nous ont encouragés. Donc je voudrais vous demander de ne pas oublier d'avoir un journal. Et cela peut nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Ce matin, je voudrais partager quelques versets avec vous dans Matthieu au chapitre 7. C'est une suite peut-être, une continuité de ce que le pasteur Koulibaly a donné à ce couple-là hier. Mais moi, je voudrais que ça soit pour nous tous. Parce que ce qu'il a donné à ces gens, ce n'est pas eux seulement, c'est nous tous. Voilà. Il a dit, si vous vous rappelez, que nous avons ces secrets-là, les secrets de la réussite dans le mariage. Moi, je dirais, ce n'est pas le mariage seulement, mais c'est en fait notre marche avec le Seigneur. Il y a des secrets que nous devons garder et nous les avons. Je suis sûr que beaucoup de gens qui n'étaient pas chrétiens, moi du côté de ma famille, qui étaient des musulmans, en écoutant ça, ils vont comprendre que ces gens-là, ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Ils le savent, mais la plupart du temps, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne viennent jamais à nos... Ils ne viennent pas souvent dans nos assemblées. Il faut que ce soit un mariage au cours duquel ces gens peuvent comprendre. J'ai une de mes cousines qui est mariée au grand frère du pasteur Karambiri. Et un jour, il y avait le mariage de la famille qui était chrétien. Et elle est venue, on s'est retrouvé à l'église. Et le pasteur Karambiri a prêché. À la fin, cette cousine qui est musulmane là, elle m'a dit, ah, Solo Tunkaran Kasoroya. Son mari s'appelle Solo. Il dit que Solo était bien si Solo était ici. La raison était laquelle? Parce qu'il avait prêché et il avait fait la distinction nette, précisée pourquoi on dit de quitter son père et sa mère. Pour que les gens n'aient pas des implications dans la famille pour embêter ce couple-là. Elle a dit, Solo Tunkaran Kasoroya. Parce qu'elle, elle vit une situation et si Solo était là qu'il avait entendu, elle allait dire à Solo, tu as entendu, non? Pour le ranger. Mais Solo n'était pas là ce jour-là. Non. Vous voyez, les gens, quand ils participent, ils reçoivent des choses qu'ils voient. Nous, nous souffrons parce que nous n'avons pas cela. Vous voyez, et ce sont des occasions, les mariages chrétiens sont des occasions où les gens apprennent. Mais est-ce que nous, souvent, nous pensons que ce sont des gens qui sont venus pour apprendre? Quand on prêche, nous prêchons souvent sur le couple et puis bon, c'est comme nous seulement. Non, moi je suis d'un background musulman et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui manquent à ces gens-là. Donc ça sont des aspects, souvent quand les gens ressortent, ils font des commentaires et ils disent, oui tiens fort, ici là ils ont dit la vérité. Et si vraiment chez nous c'était comme ça, on allait être plus en paix. Et Dieu a son plan. Je sais qu'à travers cela, beaucoup de gens viendront un jour pour dire, oui, effectivement, chez ces gens-là, c'est mieux comme ça. Et des gens peuvent venir au Seigneur. Donc, je voudrais ce matin partager quelques versets. Si vous avez trouvé Matthieu 7. Je vais encore demander à quelqu'un qui a la version française courant de lire à partir du verset 24, 24 à 29. Matthieu 7, 24 à 29. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Jusqu'au 29. Quand Jésus eut achevé ses instructions, restèrent impressionnés par sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme leur maître de la loi, mais il les enseignait avec autorité. Amen. Il les enseignait avec autorité. L'enseignement que Jésus donnait était différent de l'enseignement que les maîtres de la loi donnaient à ce peuple juif. Et quand on lit certaines de nos versions, le sous-titre qu'on a donné ici, c'est les deux bâtisseurs. Mais je voudrais simplement que nous regardions cet enseignement que Jésus a donné parce qu'en bon enseignant, il donnait beaucoup d'exemples concrets que les uns et les autres pouvaient comprendre. Et je crois que lorsque on va avec quelque chose de concret, un domaine dans lequel vous vous reconnaissez, il est plus facile de comprendre que si on a un truc oratoire et on utilise des gros mots sans que vous ne puissiez comprendre. Cette partie, ces quelques versets font partie d'un grand ensemble qui concerne les enseignements que Jésus a donnés. Et dans le découpage, on considère que ça fait partie, la première partie des enseignements qu'il a donnés. Et je voudrais que nous regardions simplement ces deux versets ce matin. On parle de deux personnes qui bâtissent. Je crois que lorsque nous regardons à, par exemple, un foyer, c'est quelque chose qui commence quelque part, évolue, jusqu'à ce que Dieu lui-même décide quelque chose. Hier, on parlait de ces deux, et c'est le début. Et un de mes collègues m'a fait cette remarque-là, un mot aussi. Il me dit, souvent les mots aussi disent, lorsqu'on dit de faire quelque chose pour donner au nouveau marié, il dit que une nouvelle marmite ne laisse pas sa conto. Sa conto, c'est, comment ils appellent ça? C'est ce qui se colle à la marmite quand on a enlevé le taux. Et lorsqu'on met l'eau, ça se décolle. Voilà, une nouvelle marmite ne peut pas faire ça. Ça veut dire, il y a quelque chose qui manque à la nouvelle marmite. Une vieille marmite fait ça. On a l'habitude de préparer du taux avec. Donc, en enlevant le taux, on pense qu'on a tout enlevé. Mais lorsque vous mettez, vous voyez, il y a quelque chose qui ressort. Et il y a des personnes qui vraiment aiment ça. Bon, on dit souvent c'est pour les enfants, non? Parce que ça n'a pas de goût. Mais il y a des gens, si vous ne donnez pas ça, bon, Moumouni, fais sa tête comme ça. Allez chez eux voir. Si vous, la femme l'a préparé et qu'elle n'a pas rasé ça là, mettre dans quelque part, allez donner au monsieur là. Ça risque d'être un problème, hein? Vous dites, c'est pas vrai? Vous avez vu? Donc, ça nous rappelle certaines choses. C'est comment, à partir d'où on bâtit? Ici, on nous parle de deux bâtisseurs. Et je voudrais que nous puissions regarder à deux aspects dans cette manière de construire. Ceux qui ont déjà eu à construire, je crois qu'il y en a beaucoup ici. Pour ceux qui n'ont pas encore eu, si vous commencez un non-lotier, vous allez comprendre. Quand on doit commencer à construire, c'est quoi d'abord? Il y a le terrain, n'est-ce pas? Il y a le terrain qui peut déterminer beaucoup de choses. Si vous avez un terrain assez sablonneux, comment sera la fondation? Ça va exiger suffisamment de matériel. Donc vous voyez, le terrain, la qualité du terrain détermine tous les efforts qui devront être mis dans le matériel. Ensuite, vous avez le matériel lui-même. On voit des gens qui construisent avec du matériel, je peux dire, bon marché. Ou, bon, on fait un dosage excessif. Ou peu. On vous dit que le sac de ciment doit faire combien de briques? Combien? Le bon, c'est combien? 40 à 45. Et puis si quelqu'un va avec 50 et 60, bon, vous touchez, ce n'est pas une brique en ciment. Ou bien Charles, ça ne va pas tenir. Ça ne tiendra pas. Et, bon, vous avez eu beaucoup de briques, mais à cause de ce mélange qui n'est pas convenable, vous n'allez pas avoir une maison qui va tenir. Troisième aspect dont je voudrais que nous nous rappelons dans l'aspect construction, ce sont les aléas climatiques. Et notre texte nous met devant un temps pluvieux avec assez de vent, un orage, et ça, qui contrôle cela? Aujourd'hui, j'aime dire aux gens qu'on parlait de vaches folles par le passé, aujourd'hui, le temps est devenu fou. Ou bien, on ne contrôle plus rien. Pour elle, on dit changement climatique. On ne s'attend pas à une pluie, elle est là. On ne s'attend pas à un orage, à un ouragan, c'est là. Est-ce que quelqu'un contrôle? On n'a rien pour contrecarrer cela. Et ça, ce n'est pas dans la main de quelqu'un, voyez. Et je voudrais que nous prenions ces trois éléments-là ensemble. Le terrain. Ensuite, le matériel dont il faut, et aussi tenir compte des intempéries qui ne sont pas sous notre contrôle, pour regarder notre marche avec le Seigneur et ce que nous construisons. Le premier, on commence par nous parler de quelqu'un, d'un bâtisseur assez sage. Qu'est-ce que ce dernier a fait? Il a trouvé un terrain convenable. Un terrain convenable, ce n'est pas un terrain facile. Il a bâti sur le roc, nous dit-on. Et même si c'est sur le roc, on doit avoir obligatoirement une fondation. Et pour avoir la fondation, qu'est-ce qu'on fait? On doit creuser. Et si vous devez creuser, ça veut dire que vous devez utiliser beaucoup d'efforts. Et pas des efforts seulement. Même le matériel que vous allez utiliser doit être un matériel à la hauteur. Il y a des coins, les gens commencent à creuser. Jeter un coup d'œil sur ces gens-là. Quand ils creusent ces canaux pour qu'on puisse placer les tuyaux, vous les voyez, ils vont repartir chez le forgeron ou quelqu'un pour... Ils ont même souvent le matériel avec eux pour taper et redresser des pics. Parce que c'est très dur. Ça demande de l'effort, ça demande un matériel performant. Il faut cela. Donc, le terrain dur, convenable, a des défis qu'il faut sérieusement relever. Ça, c'est la première chose. Une fois que la fondation est placée, vous pouvez être un peu tranquille. Si le matériel que vous avez utilisé pour monter sur la fondation est convenable, et vous aurez votre maison, et de cette façon, les intempéries viendront, vous serez à l'abri. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde préfère avoir une maison en ciment, en parpaing, n'est-ce pas? Parce que vous n'êtes pas obligé chaque année de badigeonner. Bon, si vous avez le toit en tôle, vous n'êtes pas obligé de monter chaque année, taper avec la terre, même si nous voyons qu'avec ce changement climatique, on commence à se poser des questions sur comment on pourra vivre dans ces maisons quand il fait chaud. C'est pas cela? N'est-ce pas? Le béton garde la chaleur et ça fait beaucoup de difficultés pendant le temps de chaleur. Mais voilà le bâtisseur sage qui a construit quelque chose de convenable. Et on nous parle ensuite du bâtisseur insensé. Qu'a-t-il fait? Il a voulu les faciliter. Donc, il a choisi, c'est une histoire de choix aussi. Il a choisi un terrain sablonneux, facile à creuser. Une fondation est rapidement placée. Et je vous préviens, même si vous avez placé une fondation convenable, à cause de la nature du terrain, vous allez avoir des ennuis. Et il a vécu également les mêmes intempéries et on nous dit la maison s'est écroulée, la ruine a été grande. Qu'est-ce que cela veut dire lorsque nous lisons ce petit passage que le Seigneur a essayé de relater à ses auditeurs qui étaient frappés? Les derniers versets que nous avons lus nous disent qu'ils étaient frappés par son enseignement. Ma version du second dit qu'ils étaient frappés par sa doctrine, parce qu'ils n'enseignaient pas comme les scribes. Ils ont été frappés parce qu'il a donné des images concrètes qui étaient compréhensibles par ses auditeurs de l'époque. Et je crois que nous aussi, en tant qu'auditeurs d'aujourd'hui, nous comprenons ce qu'il a dit et nous savons que c'est la vérité. Mais je voudrais, avant de dire ce qui se trouve dans ce passage, que nous lisons quelques versets en amont. Je veux demander à quelqu'un de lire les versets 13 et 14 du même chapitre. 13-14. Quelqu'un a trouvé? Oui, 7-13-14. Entrez par la porte étroite. Grand large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Et combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. On a l'image de deux portes. Une qui est étroite, difficile à emprunter, n'est-ce pas? Et l'autre, par contre, est large, c'est spacieux. Mais on précise, ceux qui suivent cela sont dans la perdition. Je dresse un simple parallèle entre les deux textes. Vous avez vu La construction qui se fait sur le sable est assez facile à faire. On ne dépense pas beaucoup d'énergie, mais voyez la fin. C'est la ruine, la perdition. Mais la construction sur le roc exige beaucoup d'efforts. On dit la porte étroite est difficile à emprunter. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à utiliser une porte étroite. Il y a des portes, en fonction de votre taille, vous êtes obligé de vous mettre de côté. On ne peut pas aller de front, n'est-ce pas? On est obligé d'aller de côté et on est serré. Mais la base de tout ce qui a été dit est ce sur lequel je reviens. Le Seigneur dit au verset 24, c'est comme il était en train de donner une explication de quelque chose. Et il va vers une conclusion. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique. Amen. Il ne s'agit pas de quelque chose de théorique. C'est d'abord entendre les paroles que lui, le Seigneur, était en train de dire. Ça, c'est la première phase. Il faut d'abord entendre. Et si on dit entendre, je crois que, en bon français, il y a une différence entre entendre et écouter. Écouter, vous prêtez l'attention, n'est-ce pas? Et vous êtes là, c'est votre intérêt. Si je dis j'écoute la musique, je laisse elle rentrer en moi, je l'apprécie et je peux me mettre à danser parce que je suis, n'est-ce pas? Mais ici, on dit quiconque entend. Pourquoi le Seigneur Jésus dit entend? Il s'adressait à une foule de gens. Et si on dit entendre, ça veut dire qu'on peut, ça peut vous parvenir sans que vous ne prêtiez attention. C'est ce côté aussi qu'il faut regarder. Dans une foule, à la mairie, si vous vous rappelez ce qui était à la mairie, un moment est arrivé où le maire a dit au gars là de dire quoi? Ce qui était à la mairie. Hein? Paul peut dire? Oui. Il a dit quoi? Il faut dire à ces gens-là de se taire. Et puis le monsieur a dit quoi? Le monsieur avec une mine bizarre là. Taisez-vous. Est-ce que les gens se sont tus? Ils se sont tus? Il y avait une dame qui faisait parler derrière. Vous voyez? Le maire parlait. Mais il y avait des gens qui faisaient autre chose. Ces gens, est-ce qu'ils écoutaient le maire? Ils n'écoutaient pas, mais ils entendaient le maire. Ou bien? Parce que le maire parlait à travers un micro. Eux, ils parlaient sans micro. Ils entendaient ce que le maire disait, mais ils n'écoutaient pas le maire. Et quand le Seigneur Jésus dit, quiconque entend, la deuxième phase dans l'entendre, c'est quoi? C'est prêter attention à ce qui rentre. Parce que le bruit, vous avez entendu? Mais ça veut dire quoi? Si moi je ne vous dis pas le sens, vous n'allez pas comprendre. Vous dites le pasteur a applaudi, c'est ça non? Mais on applaudit pourquoi? Mais vous avez entendu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas entendu? Bon, ça ne vous plaît pas, vos oreilles sont convenables, vous n'avez pas de problème d'audition, vous allez entendre. Donc cette parole peut être entendue. Elle peut être entendue. Et aujourd'hui, est-ce que la parole de Dieu n'est pas entendue? Elle n'est pas entendue? Il y a des coins où vous passez, vous entendez quelqu'un prêcher. Ou bien on chante, c'est la musique chrétienne. Ou bien quelqu'un est en train de chanter en allant. Que vous voulez ou pas, vous avez une bonne vous allez entendre. Donc, le premier niveau, c'est que ça vient vers vous. Le deuxième niveau, c'est prêter attention à cela. Parce que la décision qui vient, que vous construisez sur un bon sol ou sur un mauvais sol, dépend justement de l'intérêt que vous apportez à ce que vous avez entendu. Et je crois que c'est assez important pour nous, chrétiens. Nous entendons cette parole-là tous les jours. Et si je dis entendre, on peut même la lire tous les jours. On se donne comme exercice de lire la parole de Dieu tous les jours. Vous pouvez lire sans comprendre. Ça existe, non? Il vous est jamais arrivé lors d'une de vos méditations, vous avez lu, mais si on vous dit deux minutes après de dire ce que vous avez vu dedans, vous pouvez dire, pas du tout. Mais il y a des méditations qui vous ont touché. Et toute la journée, vous l'avez. Pas toute la journée seulement, plus tard, et même nous qui sommes des pasteurs, ça peut même vous inspirer pour votre prédication, et parce que vous avez lu, ça vous a touché. On peut lire sans comprendre. Et je considère que ça, c'est comme entendre sans prêter attention. On a tellement de choses devant nous. Vous êtes devant une voiture, on a écrit « Jésus t'aime ». Vous pouvez lire, ça se limite là. Ça a quel sens? Si vous n'avez pas prêté attention, « Jésus t'aime ». Partout où on voit, c'est écrit, on a plein de choses, de posters. Quelqu'un a son livre, mais sa porte. On met beaucoup de versets. Mais si vous ne prêtez pas attention, c'est comme si vous avez simplement le premier niveau. Et Christ dit à ses auditeurs, celui qui entend et ne met pas en pratique. Ça veut dire, tu fais, c'est venu. Deuxième chose, tu as prêté attention. Et le troisième élément, c'est la mise en pratique. Regardez comment le premier, disons la première phase est simple, elle est, ça c'est tout le monde. Mais la deuxième phase n'est pas à la portée de tout le monde. Et encore moins la troisième phase. Vous pouvez quitter l'église tout de suite, arriver dans la rue, vous avez entendu, vous avez écouté un bon message, et dans la rue, c'est vous qui insultez quelqu'un, c'est vous qui agressez quelqu'un. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire de façon pratique? Est-ce que c'est ce qu'on vous demande de faire? Non. De façon pratique, ce qu'on vous demande, c'est de mettre en pratique, d'appliquer la parole de Dieu dans votre vie. Les deux bâtisseurs, les voici. Et je crois que ce matin, si nous pensons, nous pouvons nous retrouver parmi ces deux et savoir où est notre position. La mise en pratique est la deuxième phase et qui n'est pas simple. Si les chrétiens mettaient en pratique tout ce qu'ils entendaient, est-ce que les pasteurs allaient avoir besoin de prêcher beaucoup? Traoré, est-ce qu'on allait prêcher beaucoup? Non! Du 1er au 31, du 1er janvier au 31 décembre, on prêche. Les douleurs disent qu'on va pas bon, nana. C'est comme on a mis le sel, ça n'a pas suffi. Et c'est ça, c'est cette réalité que nous, pasteurs, nous rencontrons. Ce n'est pas qu'ils n'enseignent pas bien, ils peuvent très bien enseigner. Mais ça se limite au premier niveau. Les gens ont entendu? Ils n'ont pas fait la deuxième étape. Et comment est-ce qu'ils vont changer? Il faut qu'ils prêtent attention à ce qu'ils ont reçu et maintenant ils mettent en pratique ce qu'ils ont reçu. Et c'est ça qui fait la différence entre le niveau d'évolution des chrétiens. Il y a des vieux chrétiens qui sont là depuis longtemps, mais ils sont au même stade. Ils n'ont pas bougé. Comme un morceau de bois dans l'eau. C'est un morceau de bois. On ne peut pas changer. Mais il y a des nouveaux qui viennent et ils écoutent, ils avalent, ils boivent et ils mettent en pratique. Leur vie va changer. On va trouver qu'il a progressé plus que l'autre. On va trouver qu'il est plus dynamique parce qu'il a compris qu'il est sauvé pour servir. Il n'est pas sauvé pour chauffer les bancs, il n'est pas sauvé pour faire autre chose, c'est pour servir. Et le vieux est là, assis, lui, il se considère vieux, point. Quand il tousse, il veut qu'on tienne compte qu'il est le premier qui a commencé ici. Est-ce qu'il a mis en pratique? Il n'a simplement fait qu'entendre. Et ce que le Seigneur Jésus demande, nous avons tout à notre disposition. Sa parole est avec nous. Nous avons encore la grâce parce que nous savons lire et écrire. Pas en une seule langue, pas en deux, en plusieurs langues, n'est-ce pas? Si on vous met dans la main, dans cette assemblée, il y a au moins des gens qui peuvent lire dans au minimum deux langues. Je dis deux, n'est-ce pas? Ceux qui peuvent lire dans deux langues, levez la main. Minimum, hein, levez la main. Voilà. Vous voyez? Très peu vont dire qu'ils ne savent pas lire. Mais nous, on a cette grâce-là. Regardez les autres. Ils peuvent être dans la ville, mais ils n'ont pas le français. Ils ne peuvent pas exploiter une Bible en français. Ils n'ont pas le djoula, ils n'ont pas le moré. Moi, je vous pose la question. Mettez-vous à la place de ces chrétiens-là. Comment est-ce que ces gens vont être solides? Si on vous demande de lire, je ne sais pas si vous vous êtes déjà trouvé devant une personne qui vous dit « Lis-moi un chapitre. » Vous avez déjà fait cette expérience-là? Je l'ai faite avec ma maman et je lui ai dit « Ah, papa, je suis maman, pardon. » C'est compliqué. « Lis-moi, je vais écouter. » Si vous lisez un premier chapitre, un deuxième chapitre, troisième chapitre, vous avez dit que vous êtes fatigué. Vous avez dit, bon, je vais me soulager. Ce n'est pas sûr que vous allez revenir. parce que ce n'est pas facile d'avoir toute l'attention et de lire comme ça pour quelqu'un. Ce n'est pas facile. Essayez, faites l'expérience. Vous allez dire que le pasteur a raison. Mais nous, on a cette possibilité, seul à seul. On a tout à notre disposition. On a la Bible en format livre, là. Vous l'avez dans vos portables aujourd'hui, non? Hein? On tire comme ça, on pointe, et puis vous avez la parole de Dieu devant vous. Même si le pasteur dit que ce n'est pas ça la bonne manière. Bon. Mais vous l'avez partout. Combien de temps on prend pour réellement entrer dans cette parole-là? Et puis, combien de fois on la lit avec toute l'attention qu'il faut pour la garder pour nous et ensuite la mettre en pratique? Je vais vous dire une chose. Vous voyez souvent, on peut éviter que quelque chose se pourrisse en mettant dans le sel. C'est pas ça? Tout le monde sait ça. Vous n'avez pas de frigo et vous avez de la viande, vous faites quoi? On saupoudre. Et puis ça va durer, ça ne va pas pourrir comme ça. C'est pas ça? Poisson comme sel, ça peut garder. C'est la même chose pour celui qui prête attention à la parole de Dieu et qui la lit ou qui l'écoute avec toute l'attention, ça va marquer la personne. Ça va vous changer parce que ça va rentrer en vous. Et c'est ce qu'on nous demande. Ce que le Seigneur a dit, si vous écoutez, vous entendez et vous mettez en pratique, ça veut dire que vous avez dépassé le premier niveau de l'entendre et d'entendre. Deuxième, et vous vous mettez en pratique maintenant, vous allez changer. Vous n'allez pas construire sur du sable, vous allez construire sur le roc. Et c'est ce qu'on nous demande d'écouter. Tout est là. Si vous prenez des commentaires, vous prenez certains qui ont écrit, qui vont chercher combien de fois le Seigneur a parlé de tel sujet dans la Bible. Combien de fois il a dit telle chose. Il y a des gens qui prennent tout leur temps pour le faire. Et on a plein de documents. Mais vous allez dire, mais c'est formidable. Autant de fois, il parle de ça. C'est, tant de fois, il parle de l'amour. Tant de fois, il parle de ceci, de cela. Et vous allez voir, c'est important, ce thème-là. Si ce thème est donc important, il faut que moi, je comprenne en tant que chrétien que dans ma vie, cela doit transparaître. Nous avons besoin d'entendre et de mettre en pratique la parole. Si nous entendons et nous mettons en pratique, je crois que quel que soit notre statut social, nous allons bien vivre. L'étroitesse de cette porte-là, c'est en fait ces difficultés que nous allons éprouver à entendre et à mettre en pratique. Elle est étroite. Et je crois, même ceux qui ne connaissent pas Christ, la plupart du temps, ils vous disent la vérité. Si on dit que, ah, quelle situation-là, elle a été très difficile. Vraiment, on a eu ça, ils disent, ah, si c'est difficile, c'est que c'est bien. C'est pas vrai? Je vous pose la question, c'est pas vrai? Ils aiment vous dire, on ne peut pas avoir quelque chose facilement comme ça. Si c'est difficile, c'est que c'est bien. Nous, on a prêché la dernière fois sur le laboureur et ses enfants. Lorsqu'il a parlé de ces gens-là, est-ce que ça a été facile pour eux? Tout cultiver, chercher, fouiller partout. Ça n'a pas été une mince affaire. Mais le résultat a été quoi? Ils ont eu une bonne récolte. Ils ont eu beaucoup. Même s'ils n'ont pas découvert le trésor caché, ils ont eu quelque chose. Nous, chrétiens, nous sommes dans une certaine... Nous aimons souvent une certaine facilité. Nous voulons que les choses aillent, qu'on mette dans notre bouche, qu'on appuie même sur notre gorge pour que ça descende. Ça ne marche pas. Non. Regardez certains enfants. Hein? Il veut qu'on mette dans leur bouche. Et puis encore, il faut insister pour qu'il avale sa nourriture à lui. Non. Nous ne sommes pas des enfants, mes frères et mes sœurs. Nous ne sommes plus au lait. Et nous devons réellement nous ressaisir et avoir toute l'énergie qu'il faut pour entendre cette parole et encore la mettre en pratique. Si nous le faisions convenablement, l'Église aujourd'hui n'allait pas souffrir. Les serviteurs de Dieu n'allaient pas se plaindre. Mais c'est parce que nous ne mettons pas en pratique. Nous n'entendons même pas et nous ne sommes pas prêts à mettre en pratique. Pourtant, la parole est avec nous. Au temps de Jésus, il n'avait pas tous ces éléments-là. Non, C'est nous qui avons cette chance. Et nous avons tellement d'opportunités avec nous. Il est tellement facile d'avoir accès à la parole de Dieu aujourd'hui. Et dans toutes les langues. Et on peut, si on a même la paresse, on peut écouter. Des gens ont enregistré, ils ont mis à notre disposition. Mais, mes frères et mes sœurs, voilà notre difficulté. Et je voudrais ce matin encore nous inviter à travers ces deux bâtisseurs. Nous, nous connaissons le bon choix. Le bon choix, c'est celui qui a construit sur le roc. C'est le meilleur. Et c'est la voie étroite qui mène chez Dieu. C'est ça le choix. Aujourd'hui, nous sommes conscients en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Et nous savons où nous voulons aboutir. Je ne pense pas que celui qui veut aller à Bobo va tourner, prendre la route de Fada foncé. Si vous prenez la route de Fada, vous vous éloignez encore de Bobo. N'est-ce pas? Donc, nous connaissons le chemin. Nous savons où nous voulons aboutir. Je voudrais nous encourager. Nous sommes déjà dedans. On ne peut pas être dans l'eau sans être mouillé. Nous sommes déjà dedans. Nous sommes engagés. Si on s'engage, il faut que nous allons dans cette direction toujours. La parole de Dieu le dit dans Ecclésiaste, la fin d'une chose vaut mieux que son. Ok. La fin vaut mieux que le commencement. Il ne faut pas qu'on s'arrête au milieu. Si nous arrêtons au milieu, nous sommes perdants. Nous avons commencé, il faut que nous persévérons et que nous entendons cette parole et que nous la mettons en pratique. C'est ce jeune couple, je crois qu'ils sont, quand on est seul, on peut se décourager en chemin, n'est-ce pas? On a commencé à lire, bon, on est seul. Mais quand on est deux, je crois qu'on peut bien le faire. N'est-ce pas? À l'intention de ceux qui sont en position encore. Je vous demande, c'est plus simple. Avec ma femme, bon, on s'assoit, on peut même regrouper les autres. Venez. Souvent même, il arrive que vous avez autre chose à faire. Dieu, c'est l'heure de la prière. Bon, c'est l'heure de la prière. On va lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, on s'encourage. Et je voudrais nous encourager individuellement. Si vous avez l'occasion d'être au moins deux, vous pouvez vous encourager mutuellement à entendre cette parole et à la mettre en pratique. C'est ce que Dieu nous demande pour que nous puissions réussir. Nous n'avons pas d'autre choix. Que le Seigneur nous donne cette sagesse-là. Je veux qu'on prie. Veuillez vous tenir debout, chacun va prier pour lui-même. Chacun prie pour lui-même, prions. Oui Seigneur, je voudrais te dire merci. Je te bénis, je te loue pour ta bonté et ta fidélité. Merci de ce que Seigneur, ce matin, tu as encore voulu nous rappeler ce que nous devons faire. Oh Seigneur, merci. Entendre exige de nous, éternel Dieu, prêter attention à ce que nous entendons. Et aussi, mettre cela en pratique. Père, tu connais nos faiblesses et tu connais tout ce qui peut nous empêcher. Nous prions au nom de Jésus. Tu nous donnes toujours de surmonter ces obstacles-là et de pouvoir, éternel Dieu, oui, le faire. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu vas encore nous aider. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Je vais demander au pasteur Traoré de dire merci à Dieu qui nous a écoutés, qui sait ce que nous voulons et qui peut nous donner la force de pouvoir le faire. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce temps que nous avons eu en ta présence. Et tu nous as donné de te louer, de te célébrer, d'élever l'expression de nos cœurs vers toi à travers, Seigneur, des chants si profonds et édifiants. Merci pour ta parole, cette parole qui nous édifie, qui nous fortifie. Et ce matin, Seigneur, tu nous as amenés dans les richesses profondes de cette parole en nous disant que nous devons apprendre à être sages. À être sage en écoutant. Et non seulement en écoutant, mais en obéissant aussi. Surtout lorsqu'il s'agit de ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Et ce qu'elle nous demande, Seigneur, c'est avant tout pour notre bien. Et tu nous dis ce matin, si nous t'écoutons, et si nous vivons ta parole, si nous t'obéissons, nous sommes comme des personnes sages. Oh, merci Seigneur pour ces beaux qualificatifs. Des personnes intelligentes qui bâtissent leur vie, non sur du sable mouvant, mais sur du roc, sur des fondations inébranlables. Et cette fondation, ce roc, c'est toi-même Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons rester fondés sur toi, en nous nourrissant de cette parole et en vivant cette parole. Merci Seigneur de nous rappeler cela. Parce que oui, comme le disent nos sages, chaque jour, les oreilles vont à l'école. Encore ce matin, nous sommes venus à l'école. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être comme ce que Jacques a dit, des auditeurs oublieux ou des auditeurs qui se confondent dans de faux raisonnements. Seigneur, nous voulons simplement, oui, obéir à ce que tu viens de nous dire. Et t'obéir aussi, c'est te témoigner notre amour. Parce que ta parole nous dit que si nous t'aimons, nous mettrons en pratique ce que tu nous demandes, ce que tu nous conseilles. Nous voulons prier pour cette église, que tu la bénisses et qu'elle marche selon ta parole. Et c'est ainsi, Seigneur, qu'elle pourra être une église missionnaire. C'est pour cela qu'elle pourra être une église qui témoigne, qui rayonne de ta lumière. Une église qui appellera d'autres à venir à toi. Parce que celui qui marche selon ta parole, Seigneur, ta gloire resplendit sur cette personne. Sa vie, Seigneur, est une vie qui attire, est une vie qui dégage un parfum d'agréable odeur. Et nous voulons prier que chaque membre de cette église puisse être une telle personne. Nous voulons te prier pour le pasteur, Seigneur, pour le ministère que tu lui as confié. Oui, c'est une grande responsabilité de parler de ta part. Nous te demandons qu'à lui-même aussi, tu lui donnes de concrétiser cette parole dans son vécu quotidien, afin que ses dires et ses faits puissent aller ensemble et enseigner cette communauté. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce temps que nous avons eu et que ta parole vraiment vienne édifier chacun de nous. Merci pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous asseoir. Je voulais aussi rappeler, hier, juste après la réception, il y a un petit thermos qu'on a trouvé. Bon, donc on est venu me le mettre. J'ai imaginé que ça pouvait être pour soit Paul ou bien Martine. J'ai dit, bon, pas de problème. Bon, en quittant le matin,